Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 17 octobre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de Philippe Paradis, l'ancien joueur des Cataractes de Shawinigan et ancien haut choix de repêcheur des Hurricanes de Caroline, a signé avec les Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey. Rappelons que la semaine dernière, Paradis avait été échangé au Cool de Saint-Georges-de-Beauce, mais en fin de semaine, une autre transaction est survenue et les Marquis qui ont cédé Olivier Larue pour réobtenir à nouveau Philippe Paradis. Philippe qui a confié au journal Le Quotidien qu'il voulait prendre du recul l'an dernier et qu'une flamme était revenue cet été et que la seule équipe qui est intéressée à évoluer dans la Ligue nord-américaine, c'est les Marquis de Jonquière. On va maintenant parler toujours de hockey. Les Saguenay de Chicoutimi qui ont ajouté de la profondeur en faisant l'acquisition d'un joueur de 18 ans, un Ontarien, soit Ryan Smith, qui avait été laissé sans protection par les Ice Dogs de Niagara dans la Ligue junior de l'Ontario. Smith est un joueur de centre gaucher qui devrait jouer sur le troisième trio. Par ailleurs, les Saguenayens qui effectuent un voyage dans les Maritimes ont rappelé Mickey Sium Awashish, qui est natif de Mastouillache. Awashish s'alignait avec les Élites. Donc, on connaissait un bon début d'année avec les Élites. Maintenant, on va parler de golf. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau a remporté le championnat de la PGA récemment lors d'un tournoi qui s'est déroulé en banlieue de Montréal. Et on sait que Pierre-Alexandre Bédard est à sa première année sur le circuit canadien Pro Tour. Et il a mentionné évidemment que c'est une victoire qui va se remplir toute sa vie. On n'était pas un gros contingent de joueurs, mais par contre, la crème du Québec était toute là. Moi, j'ai connu un tournoi de rêve, en fait, en inscrivant une première ronde de moins 9, qui était 63 pour ma meilleure ronde à vie, en fait. Fait que j'étais vraiment, vraiment très, très fier de ça. J'ai même réussi un albatros que je n'avais jamais fait auparavant. Deux coups sur un par 5. Donc, c'est sûr que je m'attendais pas. Je savais que j'avais confiance en moi, puis je savais que j'allais avoir mes chances garanties. Mais le lendemain, la deuxième ronde, je devais affronter Dave Lévesque, qui avait joué aussi une bonne première ronde. Puis on a eu une chaude lutte tout au long de la partie. Il tenait tête, puis ça a été une victoire que je vais me rappeler, c'est sûr. Une deuxième victoire cette année en plus. Ben oui! Puis contre d'avoir battu Dave Lévesque un contre un ensemble, ça a été, je vais m'en rappeler, c'est sûr. Et dans un deuxième temps, Pierre-Alexandre Bédard est très, très content de sa saison sur le circuit canadien Pro Tour. Écoute, j'avais pris la décision, souvent on s'est parlé de ne pas aller jouer sur le Mackenzie Tour parce que je voulais apprendre à gagner avant de changer de circuit. C'est ce que j'ai fait cette année. Fait que ça, c'est sûr que c'est l'objectif réussi. L'objectif numéro un à la base en jouant sur le Pro Tour cet été, c'est de gagner. J'ai eu deux victoires, donc je peux pas... C'est parfait, en fait, c'est ce que je voulais vivre. Donc, pour ça, je suis vraiment content. J'ai connu, en dehors de mes deux victoires, je pense que mon gros tournoi de la saison, ça a été la Coupe Canada. Okay. La Coupe Canada qui était devenue cette année un tournoi international qui regroupait là, quelques joueurs européens et plusieurs joueurs des frontières américaines qui étaient venus jouer ce tournoi-là avec une bourse à l'enjeu de 30 000 $. J'avais joué moins 17, j'ai terminé troisième. Donc ça a été vraiment j'ai deux victoires, ça a été des sentiments incroyables, mais mon coup de cœur est quand même ma troisième position là, à la Coupe Canada. Puis ça m'a permis, ça a été le plus gros calibre de jeu que j'ai joué presque cet été à part du Mackenzie Tour à Montréal. Donc en fait, c'est une saison pas en-delà de mes attentes, c'est garanti. Puis là, en ce moment, je vais visiter. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Pierre-Alexandre Bédard. On a aussi parlé avec Jean Gosselin, spécialiste en marketing sportif. On parle évidemment du Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien prend trop sa clientèle acquise? Et c'était la chronique du MGR Express de Jonquière avec Gino Gagnon de la Ligue du Lac-au-Fleuve. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.